mais pas vu, et le Provana vous propose Confit de Culture, le podcast qui joint l'agréable à l'agréable. Bonjour à tous et toutes, et bienvenue à la première de ce podcast spécial confinement. Bon, d'abord, on espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Et aujourd'hui, pour notre premier podcast, premier teasing, nous recevons Christian Sinicropi, qui est chef étoilé, 2 étoiles, de la Palme d'Or de l'Hôtel Martinez à Cannes. Donc ce podcast va, durant le confinement, durant tout le temps du confinement, vous présenter des personnalités, des artistes, mais aussi les membres de notre équipe, que vous connaissez déjà peut-être. Et on va un peu parler de leur histoire, de leur goût, leur personnalité. Et aujourd'hui, du coup, Christian Sinicropi, donc, qui est un artiste autant qu'il est cuisinier, et qui travaille, comme il va le dire un peu plus loin, avec sa femme, Catherine Sinicropi, qui s'occupe en fait de faire les céramiques pour la Palme d'Or, le fameux restaurant étoilé. Donc c'est un art sur mesure, c'est une cuisine sur mesure, où chaque plat s'adapte en fait à son contenu. Donc le contenant et le contenu sont liés. Donc on va un peu découvrir rapidement l'histoire de Christian Sinicropi. Et plus tard, si jamais ça vous plaît, on pourra le rappeler pour qu'il nous parle un peu plus de toute sa cuisine et du principe, des principes auxquels il tient. Voilà, je vous laisse découvrir notre petit teasing et les réponses de Christian Sinicropi à nos petites questions. Christian Sinicropi, bonjour. Bonjour. Donc, présentez-vous en quelques mots. Donc, je me présente, je suis cuisinier et actuellement, j'occupe le poste de chef de cuisine, chef exécutif à l'Hôtel Martinez à Cannes et le restaurant La Palme d'Or, 2 étoiles de Guide Michelin. Vous travaillez avec votre femme, Cathy Sinicropi, qui est céramiste, c'est bien ça ? Complètement. Pourquoi elle est impliquée dans cette aventure, dans cet univers ? C'est parce que pour moi, la cuisine, c'est le 8e art. Pourquoi ? Parce que c'est le seul art qui sollicite les 5 sens à un instant précis. Donc, le sens aujourd'hui, pourquoi Catherine Sinicropi participe à la création, à la fabrication des plats qui sont à la carte du restaurant ? Parce que justement, il y a cet aspect visuel. Et en même temps, ce sur-mesure, car chaque produit mérite une enveloppe qui est faite sur-mesure en fonction de son identité et de la réflexion autour du produit et de sa recette. Si vous deviez vous décrire en 3 mots, lesquels seraient-ils ? Un gourmand de la connaissance. Définissez votre métier en 3 caractéristiques. Gastronomie. Originel et réflexion. Les 3 mots qui définissent pour vous la culture. Sensibilité, expression et partage. Et maintenant, vos 3 artistes préférés. Parce qu'en fait, j'aime pas donner des artistes préférés. Moi, ce que je préfère dire, c'est ce qui est intéressant, c'est la démarche et l'implication qu'il a dans sa vie pour aboutir à son art. Vos 3 livres préférés. Alors, on va dire que le premier qui me vient à l'esprit, c'est La République de Platon Socrate. Le deuxième, c'est Le mystère de la patience de Justin Garner. Et le troisième, Jung. En cette période, quels seraient vos 3 remèdes à la mélancolie ? Le premier remède, c'est la mélancolie elle-même. C'est convertir ce qui paraît être nauséabond et le convertir en quelque chose de très positif. Le deuxième remède, c'est aller à contresens du temps. Le troisième, c'est d'être entouré des personnes essentielles. Merci Christian Sinicropi. Merci Océane.